12 mars de l'année 2025, voici la date où est produit maintenant cet enregistrement en compagnie d'Olivier. Donc ici, David, que vous entendez, et dans quelques secondes également, Olivier. Donc, bonsoir, Olivier, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui. Donc, on va commencer ensemble un autre enregistrement. On en avait fait un il y a quelques semaines et j'ai eu beaucoup de commentaires d'appréciation de la part du public. Il y avait des personnes qui avaient envie d'en entendre d'autres par rapport à toi. Et pour simplifier les choses, je vais mettre en bas de l'enregistrement présent la liste de lecture par rapport aux enregistrements qu'on a faits, parce que sur mon canal YouTube, par rapport à toi, ainsi que d'autres invités mémorables, comme par exemple Mona, Berthold, vous pouvez retrouver des listes de lecture où ce que vous avez pour plusieurs heures là, de vidéos d'enregistrement. Comme nous autres, ça fait plusieurs années qu'on fait ponctuellement des enregistrements. Donc, avis aux gens intéressés. Sinon, avant de débuter cet enregistrement où ce que je vais t'amener, entre autres, à commenter l'actualité, donc la guerre tarifaire dans laquelle on est plongé. Est-ce que tu avais des annonces à faire? Non, j'apprécie beaucoup les commentaires par rapport aux vidéos. C'est vraiment gentil parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est pas toujours facile de parler d'une certaine façon de certains sujets, vu les tensions idéologiques positives ou négatives. Fait que quand certaines personnes qui ont une ouverture d'esprit apprécient une communication qui est comme libre, ben, ça fait du bien. Oui, exactement. Parce que présentement, les choses sont très polarisées, notamment dans les médias, où Donald Trump a été diabolisé systématiquement là, par Radio-Canada, TVA, pour les médias ici du Québec où nous vivons. Mais je sais que c'est la même chose par rapport à d'autres pays. Pendant ce temps-là, les médias alternatifs vont, dans certains cas, l'encenser. Et comment, dans le fond, faire la part des choses par rapport à tout ça. Donc, au moment où on se parle, on est le 12 mars, qui est la date où les menaces tarifaires ont été mises en exécution, notamment par rapport à l'aluminium, par rapport aux tarifs et également là, par rapport à l'acier, ce qui fait en sorte que l'aluminium et l'acier qui sont produits du Canada, que les Américains importent, donc il va y avoir un tarif de 25 % par rapport à ça, puis il y a d'autres tarifs aussi en vue, puis pour ce qui est des gens qui nous écoutent en Europe, eh bien, Trump veut en imposer en plus de tarifs en plus du Canada, en plus du Mexique, en plus de la Chine. Donc, comment tu trouves cette posture qu'a Donald Trump de vouloir imposer des tarifs là, à différents pays? C'est sûr que moi, vu la position que j'ai présentement par rapport à la politique, je suis pas très émotif. Donc, je te dirais que ce que je ressens, j'ai des ressentis qui ressemblent beaucoup à mars 2020. Dans le sens que c'est comme si on était préparé tranquillement à un changement majeur en termes d'économie, d'investissement au niveau des économies, d'échanges à travers. C'est comme si on allait muter des petits pays dans des plus gros pays pour avoir de plus en plus, genre, des forces, mais comme de moins en moins séparées. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que moi, je ne me concentre pas sur les détails, là, les moins tarifs-là. Puis là, lui, il dit qu'il va couper l'électricité. Puis là, le lendemain, il change d'idée. Ça s'en va n'importe où. Donc, je me préoccupe plus sur ce que je pressens. Tu sais, je me rappelle pendant l'ère du COVID. On recevait des nouvelles, c'était comme si les nouvelles c'était pour préparer le terrain à quelque chose. Fait que là, il y avait une nouvelle qui disait ça se pourrait qu'il faudrait réintroduire le masque, là, les experts se questionnent, puis là, à un Oui. moment donné, c'est genre ah, beaucoup sont en faveur du masque, puis là, léger marketing, 70% de la population approuve le port du masque à nouveau. Fait que là, à un moment donné, ça devient ben, le port du masque est obligatoire. Fait que c'est comme si. Au début, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce que Trump a dit par rapport au 51e État américain que le Canada devienne ça, c'est que c'était une joke. Après ça, c'est devenu une joke plate Après ça, c'est devenu sérieux. Après ça, les Canadiens, les politiciens canadiens ont commencé à se mettre dans une position où est-ce que Canada First, puis ils ont commencé à comme créer une position d'opposition avec Trump. Fait que je trouve ça particulier. Je sais pas à quel point, tu sais, dans le sens que ce que j'ai entendu récemment, c'est que Trump avait pris un arrêt sur les tarifs jusqu'au 2 avril. Mais les Oui. Canadiens, ils imposent des tarifs, même si les Américains n'ont pas imposé. Puis là, les gens supportent ça, mais c'est les Canadiens qui vont payer les tarifs. Donc, je ne sais pas si les gens sont vraiment juste tellement émotifs qu'ils n'ont aucune connaissance de ce que ça veut dire un tarif, ou je ne sais pas c'est quoi qui se passe, mais j'ai l'impression que soit probablement c'est juste les médias, parce que la réalité, je ne peux pas croire qu'une majorité des gens supportent Mark Carney, puis qu'une majorité supporte de s'appauvrir en tant que Canadien. J'ose croire que c'est pas la majorité. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Bien, en lien avec ça, je pense que de l'aveuglement émotionnel présentement, donc la réaction du œil pour œil, dent pour dent que prônent certains politiciens, bien qu'à première vue, ça peut paraître légitime dans le sens que si Trump nous menace, on réagit par des menaces pour dire on va se tenir debout, on ne se laissera pas marcher sur les pieds, on ne se laissera pas intimider par lui. Dans le fond, à ses limites, c'est quand on prend un recul, puis on a la tête froide, puis on la regarde sur le plan économique, que s'imposer des tarifs. J'aimais bien l'analyse qu'a faite Joe Finance sur YouTube, à ne pas confondre avec Vos Finances, là, qui est l'émission de TVA, mais il y a un YouTuber qui a une chaîne qui s'appelle Joe Finance, puis je trouvais ça intéressant. Il a fait une capsule vidéo qui s'appelle La cloche et l'idiot, c'est-à-dire que le Canada, si on s'impose en fait, on impose des tarifs par rapport aux importations américaine de 25% réplique au tarif des États-Unis. Ce que ça va faire concrètement, c'est que c'est le pouvoir d'achat des Canadiens qui va diminuer parce que ça va nous coûter plus cher pour acheter des produits. Et puis, le gouvernement, au lieu de prendre cet argent-là, parce que les États-Unis, eux autres, ils mettent des tarifs, mais l'argent va aller pour baisser les taxes. Tandis que nous autres, c'est juste des tarifs de réplique. Donc, le gouvernement canadien, québécois, vont s'en mettre plus dans les poches, mais ça ira pas pour diminuer nos taxes là, en contrepartie, là. Moi, ce qui m'inquiète pour le Canada, c'est l'absence de leadership, dans le sens qu'il n'y a aucune figure d'autorité au Canada en politique qui est digne de tenir ce pays-là humblement, puis de façon honorable, dans le sens de bien exploiter nos ressources, être intelligent, faire attention le plus possible à l'environnement, mais en même temps, pas se mettre dans la merde financièrement, de vraiment s'arranger pour devenir riche. Baisser les taxes, augmenter les subventions aux petites moyennes entreprises, aider des gens à venir investir au Canada, inciter les investisseurs étrangers à venir ici justement pour augmenter les richesses tranquillement, pas vite, puis d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais c'est tout l'opposé. Puis moi, je pense qu'il va y avoir un gros changement dans la société dans les peut-être 10-15 prochaines années. Ça va être la natalité. Là, en ce moment, de plus en plus, ça va devenir un gros problème parce que la seule façon de continuer de s'endetter, c'est d'avoir des gens qui naissent, qui vont éventuellement payer des taxes. Ou une immigration massive qui compense la baisse de natalité au Canada, comme a voulu faire Justin Trudeau. Ça vient avec son lot de positifs et de négatifs également. Certainement, parce qu'une limite à la capacité d'absorption par rapport à la quantité d'immigration, par exemple au Québec, là, avec les problèmes qu'on a vécus dans les dernières années, là, au niveau habitation, pénurie de logements, pénurie de maisons abordables. Puis d'ici là où je veux en venir, c'est que dans le sens que si tu regardes les courbes de natalité versus les courbes d'équilibre versus les déséquilibres au niveau de la richesse répartie dans la société, tu vas remarquer que à chaque fois qu'il y a de l'équité au niveau financier, ou ce que, mettons, on parle de 1929 jusqu'à 1980, 80, 90, où est-ce qu'il y avait une certaine équilibre, où est-ce que tu pouvais t'acheter une maison avec 2 années de salaire, mettons, tu sais. Tu fais 50 000, tu peux t'acheter une maison à 100 000. Il y avait un équilibre. Puis là, plus on va vers un déséquilibre, où est-ce que il y a de moins en moins une classe moyenne, puis il y a de plus en plus des pauvres et des riches, puis que tout ce qui est construit en immobilier, c'est purement pour les riches, ben, ce qui crée, ça crée un état de survie dans la majorité de la population. Puis quand l'être est en état de survie, il ne peut pas se reproduire. Même biologiquement, là, un mammifère qui faut qu'il survive, il n'est pas dans un état pour justement faire des petits. Faut qu'il soit dans un environnement qui est probable, qui lui permet de pouvoir se développer, manger, être en sécurité. Puis là, c'est ça qui va manquer. Fait que ça va être un rapport de force au gouvernement en sens de. Eux autres, ils veulent continuer de s'enrichir parce que c'est des avares finis. Mais en même temps, s'ils tirent trop la laisse, ben éventuellement, l'économie ne fonctionne plus. Fait que c'est comme. C'est un. Puis en même temps, ils veulent plus de contrôle. Puis c'est comme ça arrête jamais, hein, t'sais, ils lâchent pas le morceau. Tu vois, l'Union européenne, ils veulent une guerre, là. T'sais, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la Ben, guerre. tu veux, attends une minute, on va clarifier les choses parce que il faut que tu aies en tête qu'on fait un enregistrement, puis ça peut être important de contextualiser les choses. Tu parles-tu du fait qu'il y a des pays comme la France qui veulent la guerre en Ukraine? On dirait que il y a des pays qui veulent la guerre, dont certains pays dans l'Union européenne, puis ils ont même parlé qu'ils voulaient investir 850 milliards dans de l'armement. Ben oui, ben ils veulent soutenir l'Ukraine, dans le fond. Parce qu'ils n'en veulent pas nécessairement une résolution de paix à l'américaine. Fait que tu as des pays comme entre autres la France qui, avec Emmanuel Macron, qui n'excluait pas d'envoyer des soldats, puis l'autre, Justin Trudeau, il allait dans le même sens. C'est dangereux. Ben, c'est jouer avec le feu. Mais c'est heureusement que Poutine et Trump sont un petit peu plus voyants du futur que les marionnettes du Forum économique mondial. Parce que essentiellement, ce qui va arriver, c'est que ces gens-là, ils vont voir que ça n'a pas d'allure, là. T'sais, la guerre, il y a toujours une fin à des guerres, puis ça fait juste coûter de l'argent. T'sais, tu regardes la guerre en Irak, là, ça finissait plus. Puis là, à un moment donné, ça a fini, puis ça servait à rien. Ben, en fait, Puis là, c'est pas t'sais. vrai. Pas vrai, attends une minute. Ça servit à un petit groupe d'investisseurs américains de s'enrichir parce qu'à la fois, quand ils produisent les bombes puis ils testent de l'armement, c'est bon pour l'industrie militaire. Puis une fois que le pays est à terre, comme en Afghanistan ou en Irak, ben là, ils envoient des compagnies de construction américaines reconstruire le pays aux frais des habitants locaux. Ouais. C'est un très beau modèle d'affaires quand tu penses à ça, mais Ben, c'est tu très détruis, puis malhonnête. après ça, tu Ouais. reconstruis l'autre à ses frais. Puis s'il ne peut pas payer, ben tu payes ses ressources. Puis là, on va voir qu'est-ce qui va avec l'Ukraine, puis les terres rares, puis les métaux précieux. Qu'est-ce que l'entente avec les États-Unis. Mais c'est sûr que, dans le fond, l'Ukraine peut représenter pour les Américains un lieu stratégique en approvisionnement là, par rapport à certains métaux là, pour de la technologie comme de l'ordinateur, de l'informatique. Ouais. Le problème, c'est que quand tu regardes ça au cœur de notre société présentement, on a vraiment une absence de vision. On est focusé sur des détails, mais on a une absence de vision. On sait pas vraiment où ce qu'on s'en va avec tout ça. Tu sais, Ben, attends une minute. on fait des. Trump, il a une vision. C'est Make America Great Again. C'est-à-dire. Ouais, mais ça veut rien dire. Ben Ça veut oui, rien il dire, va reprendre. David, parce que c'est des concepts que tu peux macérer dans ta tête. Chaque personne peut attribuer la valeur que Make America Great Again peut avoir. Ben, en fait, Mais. je vais clarifier. Dans sa vision, c'est quand même une croissance économique fulgurante aux États-Unis. En favorisant l'emploi local qui va diminuer le chômage. Tu sais, si les gens travaillent dans des aciéries, des alumineries, au lieu d'importer de d'autres pays, puis ils font tout comme tout local, tu sais, c'est une espèce de retour à l'achat local que Trump prône pour que, ils soient en plein emploi, puis qu'il y ait une croissance économique aussi, avec des mesures là, fiscales avantageuses pour attirer des entreprises. Je comprends tout ça, mais regarde le cinéma, regarde la musique, regarde l'art, regarde tout ce que l'homme crée présentement sur la Terre, l'architecture. Je t'accorde qu'il y a certaines choses qui sont très belles, de qualité, mais il y a une majorité des choses, je dirais, au-dessus de 60% qui est vraiment médiocre, qui n'est pas esthétique, qui est pas aussi aligné, je te dirais, avec la beauté de l'esprit, là. Puis c'est ça, je pense, qui va nous amener dans le mur éventuellement, c'est que on n'a plus de vision de ce qu'on est ou d'où ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on est vraiment. Puis en tant que nation, ça paraît présentement parce que on produit du contenu qui est répétitif, qui, tu sais, on dirait qu'on est stagné. Moi, c'est ce que je remarque. Je regarde le contenu dans toutes les sphères, puis tout est stagné, on dirait. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui descend. C'est comme s'il y a un blocage. Mais c'est parce que ça Puis je dépend pense que. qu'au niveau de l'esprit, je suis d'accord avec toi, mais il y a de la nouveauté dans le sens au développement technique. Je veux dire, on a l'intelligence artificielle qui se développe rapidement là, avec ChatGPT, DeepSeek pour les Chinois. Oui, mais on ne l'utilise pas intelligemment. On l'utilise pour se rendre, perdre des facultés. Dans le fond, on utilise des technologies pour s'enlever des facultés. On ne devrait pas s'enlever des facultés, on devrait augmenter nos facultés, puis utiliser la technologie où est-ce que des facultés aberrantes sont plus nécessaires. Comme le mental inférieur, là, fonctionner comme un ordinateur, puis de la mémoire, ce n'est pas nécessaire. Tu utilises l'IA pour ça, comme on avait parlé dans le dernier enregistrement C'est avec ça. les hôpitaux. Des choses qui vont simplifier ta vie, qui vont permettre d'augmenter ta qualité de vie. C'est juste ça que ça sert la technologie, pas te rendre un esclave qui est plus capable justement de fonctionner sans ça puis qui perd ses moyens. Tu sais, déjà, il y a un risque juste à utiliser des GPS, pas prendre en note les numéros de téléphone des gens qu'on connaît. Il y a plein de choses qui sont vraiment risquées qu'aujourd'hui, on prend pour acquis. Mais la minute qu'il y a une panne demain matin, là, puis qu'il faut que tu fonctionnes avec des radios, tu vas-tu être capable de te localiser, tu vas-tu savoir quoi faire? Tu sais, il y a des choses de base que l'humain devrait être capable de faire en termes de ses fonctions vitales, physiques, mentales, que si la technologie enlève à ça, ben, pour moi, c'est ordurier. Ben oui, mais ben c'est sûr que la technologie peut nous affaiblir, nous rendre plus dépendants d'un système. C'est sûr que depuis mon enfance, dans mon cas, je baigne dans la technologie. Fait que les notions de survie en forêt ou de débrouiller sans l'électricité, c'est des notions que j'aurais peut-être intérêt à intégrer davantage, tu sais. Au-delà de ça, d'apprendre à coopérer l'un avec l'autre, ça va être ça qui serait le plus important. Puis le fait qu'on a beaucoup mis de temps dans la technologie, puis de valeur dans nos. Tu sais, il y a des gens là, qui vivent de leurs médias sociaux, puis de Ben leur oui. following, puis tout ça. Tu sais, eux autres, ils perdent ça demain matin, ils paniquent, là. Puis c'est correct, je comprends, parce que c'est quand même quelqu'un, il peut gagner sa vie avec ça, puis c'est totalement légitime. Mais ça reste que c'est tout de l'écriture. C'est pas réel. Fait que, il va venir un moment où ce que justement il va avoir un point de rupture comme on avait parlé avec l'IA. Si l'IA vient à un point où ce que tu deviens obsolète en tant que personne parce que tu n'as rien de plus qu'un mental réflexif, mais là tu vas pogner un 2 minutes. C'est ça, mais il y a des gens, dans le fond, si on pense entre autres à Yuval Noah Harari. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Mona, puis également avec Bertold, parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Homo Deus, qui se rapporte à cet auteur, historien. Lui, ce qu'il expliquait, c'est que l'être humain va devenir progressivement obsolète par rapport à l'intelligence artificielle. Lui, c'est un matérialiste. Fait que pour lui, un être humain, c'est un algorithme biologique. Tandis qu'une intelligence artificielle, c'est un algorithme informatique et qu'éventuellement la machine va surpasser l'être humain, puis on va se ramasser avec des masses inutiles, parce que les gens, dans le fond, seront plus utiles au niveau du travail, parce que le travail va être remplacé de plus en plus par des robots, des automates, intelligence artificielle. Donc, il va y avoir une masse de chômeurs, puis simultanément, bien, les gens seront plus utiles aussi à des fins militaires, parce que les guerres vont être menées là, par des robots, des drones et des armes automatisées. Donc, pour ce qui est de l'élite, l'être humain n'aura plus la même valeur dans les prochaines années à mesure que l'intelligence artificielle va prendre le pas en étant de plus en plus perfectionnée. La différence entre une intelligence artificielle et un être humain, c'est que l'intelligence artificielle, elle fonctionne sur un champ physique, électrique, électromagnétique. Nous autres, on fonctionne sur un champ de l'énergie, l'énergie cosmique, l'énergie atomique, l'énergie fondamentale. Fait que, on a toujours une utilité qui va usurper l'IA. C'est juste que les gens, ils savent rien de ce qu'ils sont. Fait que c'est évident qu'ils sont inquiets. Ben, d'une Puis un homme perspective, comme c'est cet ça. homme-là, qui est très mental, logique, mathématique, c'est une évidence qu'il en est venu à ces conclusions-là. Pour moi, c'est pas étonnant. Mais en même temps, comprendre d'abord le mécanisme de la pensée humaine, ça va t'amener plus loin que de développer des concepts de pensée humaine qui créent des concepts autour de choses comme l'IA, puis l'être humain. L'être humain, il est ci, puis l'être humain, il est ça. Tu peux croire ce que tu veux, mais la seule raison pourquoi tu es capable de penser des conneries, c'est parce qu'il y a un courant électrique qui circule dans ton système nerveux, puis ça fonctionne outre ta volonté. Fait que la minute que tu comprends ça, ben ça permet de t'aider justement à voir qu'il y a peut-être quelque chose de plus intelligent que toi qui fonctionne malgré toi-même. Puis peut-être que ça serait intelligent d'apprendre à écouter ça à la place. Des fois, il y a plus d'informations là-dedans. Oui, c'est sûr que je rejoins ta perspective. Pour moi, Yuval Noah Harari, parce que je lis ses œuvres, là, il a fait plusieurs livres, je le trouve très intéressant parce que il y a une vision quand même assez claire par rapport à la tangente qu'on prend là, à l'égard de l'intelligence artificielle. On a appris il y a quelques semaines que les États-Unis investissaient au-dessus de 500 milliards de dollars pour le développement de l'intelligence artificielle. Lui, c'est un des penseurs qui aborde ce sujet-là. Mais ce que je déplore dans toute son approche, bien que présentement l'intelligence artificielle avec les bons cafés, c'est en train de se concrétiser, c'est que c'est un matérialiste réductionniste. Pour lui, l'esprit, Dieu, la conscience, en tant Mais t'as qu'immatériel, ça raison, mais c'est n'existe pas pas. important. T'sais, c'est pas important Dieu, l'esprit puis la conscience. Dans le fond, là, tu fonctionnes à partir de ta perception. Okay? Lui, il a une perception physique. C'est normal, son expérience, ça doit être purement physique. Mais quand tu as quelqu'un qui a vécu des expériences qui l'ont sorti du physique, qui l'ont amené dans d'autres choses, puis il a appris qu'il peut exister hors du physique, ben c'est sûr que ça va changer complètement la perspective. D'ailleurs, il y a des études qui sont faites sur des cerveaux de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, des expériences de transe, des expériences méditatives, qui ont vraiment transformé leur vie, qui ont pu dire ça, c'est un avant puis un après. Puis ils ont mesuré justement à quel point le cerveau produit de moins en moins des hormones de stress, de moins en moins voyons, des cytokines, des hormones inflammatoires, le système immunitaire fonctionne mieux. Tu sais, ça change vraiment le système. Fait que quand tu as une perspective très matérialiste, ton corps, toute ton expérience de vie est vraiment ça, là. Puis moi, quand il y a un homme comme ça, par exemple, je prends moi comme exemple, mais quand quelqu'un comme ça parle, je suis intéressé. Je l'écoute parler, mais ça ne peut jamais rien faire pour moi parce que je sais déjà où que tout s'en va. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, puis je suis même pas intéressé de savoir si l'IA va faire ci ou s'il va faire ça. Parce que l'homme, il peut toujours prédire un futur, mais il est toujours amené à être obligé de changer dans le moment où ce que l'événement arrive. C'est jamais tout à fait la même chose. Ça, c'est intéressant, hein? C'est Oui. jamais. Dès que tu planifies quelque chose, ça arrive, mais jamais exactement comme tu le planifies. Tu n'es jamais capable de dire ça va être de même, ça va être exactement de même, ça ne fonctionne jamais. Bien, on le voit au niveau des marchés financiers. Tu sais, Trump, au moment où Exact. ce qui était élu, les gens étaient enthousiastes. Le cours du S&P 500, du Nasdaq 100 était en hausse. Et là, tranquillement, Trump est en train d'appliquer son plan avec des mesures tarifaires pour favoriser, en théorie, l'économie des États-Unis. Et ça crée de la frustration, ça crée de l'incertitude. Puis les indices sont à la baisse au moment où on fait cette capsule en mars 2025. Donc, En ce moment, c'est des pièges à con, là. On n'est pas dans un bear market, là. On est dans des pièges à con. c'est-à-dire. C'est comme visualiser un peu le COVID, là. 2020, il rappelle, il y a eu un gros crash, puis après ça l'a pompé comme de l'innocenterie. Ah oui, c'était mis à augmenter après à vue d'œil. Ouais. Ça va être un gros double top, mais un double top qui est ingrat, là, que les gens vont avoir prié d'avoir acheté ces actifs-là, puis vont regretter de ne pas avoir mis du capital là-dedans. C'est toujours de même. When there's blood in the street, buy stock. Quand c'est dans le rouge, t'achètes. T'achètes pas quand c'est vert. Mais c'est parce qu'il faut que tu aies une perspective longtemps. Tu sais, c'était drôle, hein, parce que Warren Buffett avait retiré 340 milliards de capital très, très, il n'y a pas trop longtemps, une couple de mois. Mais oui, l'automne passé, dans le coin du mois de septembre. Ouais, il avait vendu du Apple, puis Microsoft, toutes sortes de patentes à gosse. Puis vois-tu, garde, qui tu penses, là? Il y a du monde qui ont du capital à côté, là. Fait que quand que ça va, cet argent-là, va se réinjecter, puis que ils vont, ils vont baisser les taux, éventuellement, ils vont faire du quantitative easing, du QE, puis ils vont tranquillement baisser les taux d'intérêt. Puis là, si les taux d'intérêt vont faire comme pendant le COVID, descendre à 0%, ça va être la frénésie, là. Ben La oui, la frénésie. bourse va se remettre à lever, oui. Sais, les États-Unis viennent juste de dire, ouais, ça se peut qu'on vende un peu d'or puis qu'on achète un peu de Bitcoin finalement. Ah ouais. Puis là, là, il n'y a aucun pays qui vient d'allumer, là. Personne n'a allumé encore. Puis des Bitcoins, il n'en reste plus. Il n'y a même pas assez de Bitcoin pour que chaque millionnaire aux États-Unis puisse en posséder un. Imagine la rareté, là. Ben, les Moi, je m'en bitcoins, fous. c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis moi, ce que j'ai trouvé curieux, c'est que dans les derniers jours, donc vendredi passé, Donald Trump avait annoncé qu'il confirmait là, qu'il allait avoir une réserve stratégique de bitcoins aux États-Unis à partir des bitcoins qui ont été saisis. Mais je n'ai pas vu de hausse du marché ou de la demande. C'est normal. Te rappelles-tu quand on est arrivé au halving, là, Oui. puis là, tout le monde était là. Ça va pomper, ça n'a rien fait. Mais en fait, il y avait un effet d'anticipation. C'est-à-dire, Mais c'est toujours comme ça. C'est ben, toujours comme ça ça. dépend. C'est parce que dans le fond, avant avril 2024, où il y a eu le halving, dans les mois qui ont précédé, il y avait déjà une hausse significative parce que les gens prévoyaient que ça allait monter au halving. Ouais, mais t'as-tu vu comment ça l'a pompé quelques mois après? Oui. C'est ça. Fait que c'est toujours pareil. De toute façon, quelqu'un qui achète du Bitcoin pour acheter et vendre, fais ce que tu veux. Mais moi, moi, je pense juste à 2030, 2040, 2050. J'en ai rien à foutre, moi, des mouvements journaliers, là. Tu sais, moi, quand je vois une correction puis ça descend à 113 000 Canadiens, j'en achète. Les gens, ils paniquent. Il est marqué, l'indice du marché est dans la peur. 12 ou 13. Là, je suis là, bof. 12, 13, c'est pas assez en rabais. Je vais attendre encore un peu. Je vais en acheter d'autres. Mais comme je vous dis, c'est pas des conseils financiers. Moi, c'est Non, ce que non, je mais fais c'est parce ça. que En fait, j'ai confiance dans le mécanisme. Je me suis dit, d'après moi, il va y avoir de l'électricité d'ici jusqu'en 2040, 2050. Fait que s'il y a de l'électricité, il va y avoir des systèmes informatiques. Donc, le Bitcoin, ça va valoir une fortune. oui, parce que le nombre est limité, mais en fait, en lien avec ce que tu dis, c'est très important à quelques instants, c'est-à-dire que dans le cadre de l'enregistrement présent ainsi que les autres, on donne aucunement des conseils financiers. On n'est pas des conseillers financiers et naturellement d'investir, que ce soit dans Bitcoin ou dans des actions ou des fonds négociés en bourse ou toute forme d'actifs, ça comporte des risques. Donc les gens doivent être conscients de ça. C'est important de faire quand même une mise en garde comme ça pour ne pas être poursuivi parce que quelqu'un qui donne un conseil financier puis les gens écoutent ça, il y a une responsabilité morale et éthique. Mais en lien avec ce que tu dis, je vois dans ton sens. D'ailleurs, récemment, j'ai acheté de l'Ethereum. Parce que Ah, ça, j'achète pas ça, par exemple. ben, attends une minute. Parce que l'Ethereum, c'est quand même un gros joueur, un peu comme Bitcoin. Puis pour ce qui est de Bitcoin, selon plusieurs spécialistes, les hausses spectaculaires, là, quand il a fait du x10, du x20, probablement qu'on ne retrouvera plus ça autant dans les prochaines années, pour la simple et bonne raison que à mesure que la quantité de valorisation est importante sur le marché, ça devient moins volatile parce que présentement, la valeur des bitcoins est en triard, donc en milliers de milliards, mais Ethereum vaut moins. Puis à ce moment-là, il y a plus de chances, selon les informations que j'ai dans le fond eu accès là, par rapport à des spécialistes dans le domaine, que Ethereum, il y a plus de chances que d'ici, par exemple, quelques mois, il va peut-être augmenter plus. Dans le sens peut-être faire un plus grand multiple d'augmentation de valeur que du Bitcoin, puis ça va être la même chose pour les prochaines années aussi, là, parce que il est plus volatile. Moi, je veux pas qu'on s'élargisse, on s'étende trop sur la crypto-monnaie parce que je pense pas que ça l'intéresse tout le monde sur qui écoute Certainement. ces enregistrements-là. Surtout pas des détails aussi précis que ça. Mais je te dirais juste une chose, c'est que si tu regardes depuis l'inception de la crypto-monnaie, le médaillé d'or, le premier, le roi de la jungle, ça a toujours été BTC. Puis moi, je n'investis pas de l'argent pour faire des multiples de 10 parce que pour moi, des multiples de 10, c'est des multiples de 10 aussi au négatif parfois. Puis j'aime mieux avoir de la quiétude d'esprit sur un actif que je sais qu'il a une valeur fondamentale dans la mathématique, dans la cryptographie, dans C'est vraiment un chef-d'œuvre. Si tu connais l'informatique, là, la blockchain de Bitcoin, c'est vraiment un chef-d'œuvre, même si ce n'est pas aussi technologique que d'autres chaînes en termes de vitesse de transaction. Le concept derrière ça, pour moi, ça me parle. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours investi là-dedans, parce que je connais ça depuis que ça vaut 300 pièces. Puis j'ai un de mes amis qui est devenu millionnaire avec ça. Moi, j'ai manqué la shot, j'ai investi plus tard. Mais maintenant, ce que je remarque, c'est qu'en termes d'actifs, c'est ce qui me sécurise le plus. C'est évident que j'investis pas tout mon argent là-dedans. J'aime ça investir dans des choses qui sont moins volatiles. Mais quand on regarde ça sur le long terme, mettons sur des dizaines d'années, j'entrevois pas que ça va être volatile. J'entrevois que ça va être une hausse constante, stable, mais toujours plus haute que l'inflation, toujours un petit peu plus haute que la dévalorisation du dollar. Puis ça me convient. J'ai pas besoin de gambler mon argent. Puis moi, Ethereum, quand je regarde son comportement depuis les derniers mois, il se prend des corrections, puis il remonte jamais vraiment. Tu sais, c'est Non, comme, non, je suis il d'accord remonte. avec toi, puis il n'a pas atteint son ETH qu'il avait franchi dans l'autre cycle précédent, c'est-à-dire entre 2021 et 2022, là, il n'a pas dépassé le son plus haut sommet. Mais moi, l'hypothèse que je fais, puis on pourra s'en reparler peut-être dans quelques semaines, c'est que Bitcoin, Ethereum, Solana, les gros noms, là, XRP aussi, vont probablement se mettre à monter, je te dirais vers fin avril, début mai, j'ai l'impression. Peut-être, mais moi, comme je te dis, les petits mouvements, j'exploite, je prends des profits, j'ai réinvesti. Mais vraiment, là, il faut penser sur plusieurs années. Parce que, tu sais, moi, j'avais de l'XRP à 90 cents. Bon, c'est intéressant. Non, mais tu comprends dans le sens que, mais XRP, il disait que ça allait valoir, ça allait devenir, quand ça allait passer voyons, c'était quoi le. Ben, qu'il allait avoir un. La poursuite qu'il y Ouais. avait avec La la SEC, là. Securities Exchange Commission, ben, il disait que ça allait exploser. Bon, ben moi, à un moment donné, ils l'ont délisté d'un échangeur au Canada. Là, j'étais comme tabarnouche, c'est quoi qui se passe avec ça? C'est donc bien instable. Fait que moi, j'ai trouvé ça un peu désagréable. J'aime pas ça, moi, de tenir des patentes à gosse qui sont pas fondées sur aucun concept mathématique comme le Bitcoin. Le Bitcoin, je trouve que ça appartient quasiment à comme une structure d'infini. Genre, c'est tellement intéressant, tu sais, de voir que tu peux en miner autant dans une période de temps, puis après ça, plus tu arrives vers la fin, plus c'est long, plus c'est complexe. Je trouve ça tellement intéressant. C'est vraiment comme rapprocher de miner du minerai qui est de plus en plus rare, qui demande de plus en plus de Ça ressources à demande de plus miner. en plus d'énergie, donc ça prend de la valeur. C'est ça. Oui, ben le Puis. concept du Bitcoin, ça me rejoint beaucoup. Moi, ce que je fais, puis tu n'es pas obligé d'aller dans le même sens que moi, c'est que par rapport au cycle présent, j'émets l'hypothèse que le bull run, au plus tard, va être terminé vers octobre 2025. Puis probablement qu'il va avoir une jambe haussière dans les prochaines semaines. Puis moi, je vais probablement me départir de beaucoup de crypto-actifs que j'ai pris. J'en ai pris à peu près une dizaine, là, comme du Solana, Near Protocol. Mais je vais essayer de les liquider à un montant plus élevé que je les ai payés, là, naturellement. Mais ultimement, je vais soit garder le Bitcoin, tout dépendant où, quelle valeur qu'il va avoir. Dans le sens que quand j'ai acheté du Bitcoin, dans le fond, au mois d'octobre, en fait, mois de novembre, décembre, il valait à peu près 80 000 US. Fait que c'est sûr que si je vois, mettons, qu'il est en 5, à, disons qu'il monte à 150 000, peut-être que je vais en liquider dans l'optique dans le plus bas du bear market, marché baissier, probablement que vers 2026-2027, va peut-être tomber en bas de 80 000. Fait que là, je ferai un profit. Ou s'il est élevé, je vais peut-être le conserver. Tu sais, il passe à 80 000, à 90 000 ou 95 000, je vais peut-être le garder, là, tu sais, je vais voir. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une stratégie. Moi, Oui. comme je te dis, ma stratégie, c'est long terme. Fait que moi, les petits mouvements comme ça, tu sais, puis l'affaire aussi, c'est, tu sais, on se connaît, ça fait quand même longtemps. Oui. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Je vis d'une vie d'une simplicité. Tu sais, je peux aller dans la nature pendant un après-midi de temps, pas faire grand-chose, puis me sentir comme un millionnaire qui est sur un yacht à Dubaï, là. J'ai le même état intérieur, fait que j'ai pas besoin d'être riche. J'ai pas besoin de. Moi, ce que je t'intéressais, c'est d'avoir une sécurité financière à long terme. Fait que c'est sûr, prendre des profits, les réinvestir, pas de trouble. Mais moi, j'aime mieux continuellement investir. Peu importe le prix, tranquillement, pas vite, toujours en bâtir, bâtir, bâtir, bâtir, Oui, parce que. ben, je te rejoins un peu en partie. Pour ce qui est des cryptos, j'ai vraiment cette vision-là. Mais pour ce qui est, par exemple, le Nasdaq 100, SP 500, sur du long terme, je suis confiant. Si je regarde au niveau statistique, prenons par exemple le SP 500, au cours peut-être des 50 dernières décennies, tu as au moins une moyenne de 10% et plus de rendement alors, à chaque année. Ouais, c'est ça, ça bat l'inflation, puis. C'est ça. Tu sais, là, que présentement, le marché est baissier, mais moi, je suis confiant. Ça, c'est mes convictions personnelles, que les Américains sont prêts à tout pour faire croître leur économie, quitte à générer des guerres, à utiliser la CIA pour créer des conflits entre d'autres pays, puis les armées pour faire de l'argent, à faire des entrevues renforcées, voire les torturer à Guantanamo, à Cuba. À mon avis, les Américains sont prêts à tout pour de l'argent. Ils sont vraiment motivés. Fait que sur cette conviction-là, j'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour la croissance économique, que ça soit éthique ou pas. C'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Oui, Parce mais que on l'argent y a. mène au pouvoir. Ouais, mais c'est parce qu'on n'est plus dans la. C'est parce que nous, on parle de ça comme simple mortel là, qui travaille pour une paye ou qui travaille, qui ont une compagnie, puis ils reçoivent de l'argent d'un particulier. Eux, ils ont vraiment une relation réelle avec l'argent. L'argent, c'est une valeur d'énergie d'échange. Ils transmettent quelque chose, ils créent un service, ils utilisent leur énergie vitale, leur connaissance, leur savoir-faire. En échange pour une devise pour pouvoir acheter quelque chose. Mais les gouvernements, même les gouvernements, puis tu remontes plus haut que les gouvernements, des banques d'investissement qui empruntent de l'argent, qui impriment de rien avec 0% d'intérêt pour gambler à 45-50% de levier sur des cochonneries. On joue pas la même game. On n'est pas dans le même cours, là. Fait que, tu sais, eux, là, de l'argent, ils l'impriment comme ils veulent, ça change quoi? Ben, c'est sûr que ça dépend comment on le voit, là. Mais c'est sûr que quand tu regardes qu'est-ce qui se passe, que ce soit le Canada ou les États-Unis, en fait, depuis le début des années 1970, l'argent n'est plus appuyé sur la valeur de l'or. L'argent de cours légal, puis l'endettement massif exponentiel, ça a commencé dans les années 1970 en Mais elle s'appuyant. peut pas, elle aurait jamais pu continuer à être backée par de l'or parce qu'il n'y a pas assez d'or pour la croissance économique nécessaire. C'est ça, ça a amené une croissance exponentielle, mais qui repose sur de l'endettement aussi exponentiel. Ah, mais c'est pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas du vrai endettement. C'est comme un jeu. OK? Il y a des gens qui sont. C'est un monopoly, OK? Oui. Puis toi, ben, tu commences avec des billets de banque, puis il y a une banque qui peut avoir des billets à l'infini. Puis eux autres, ils font juste imprimer. Puis maintenant, si tu regardes la courbe de création monétaire, ça suit. Là, on dit à partir de 1970, ça monte. Mais tu remarqueras qu'à partir de 1970 à 1990, c'est quand même relativement équilibré. Puis à partir là, des années 2000, là, avec le boom de technologie, là, quand. L'argent a commencé à être de moins en moins à moins papier, puis que les cartes de crédit ont commencé, c'est là que ça a commencé à virer sur le top. Parce que tu sais, quand c'est rendu que tu n'as rien à faire pour créer de l'argent, ça n'a plus de bon sens. Ben, c'est parce C'est que dans comme le tu fond. imprimes une feuille de papier qui est un bon fédéral, puis tu donnes ça à quelqu'un d'autre qui te donne des numéros dans un ordinateur. Puis tu n'as pas besoin vraiment de faire quoi que ce soit pour. Tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que quand le monde sont là. Mais les taxes, ils s'en vont en Ukraine. Tes taxes, ils vont pas en Ukraine. Tes taxes, ils vont juste pour payer l'intérêt sur la dette. Tu sais, ça change rien. Là. Tu sais, je suis sûr qu'il n'y a aucune taxe qui va à payer des services quasiment. C'est genre juste la dette. Bien, il y a L'intérêt une sur la dette. partie de plus en plus importante là, qui va au service de la dette. Mais quand on regarde le mouvement aux États-Unis avec Trump qui a donné le mandat en fait à Elon Musk de faire le grand ménage du printemps économique justement pour aller neutraliser le problème là, parce que là, Elon Musk là, en congédiant un paquet de dans le fond fonctionnaires fédéraux aux États-Unis. Ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment une révolution dans le sens qu'il va faire diminuer la taille de l'État, donc probablement l'endettement, puis économiser des milliards de dollars. Ça, c'est sûr que c'est une bonne stratégie dans la mesure que ça respecte l'individu puis qu'il essaye de trouver un équilibre dans tout ça parce que Elon Musk, je trouve que il y a des tendances un petit peu vers le manque d'empathie. Mais tu sais, je pourrais me tromper, mais j'ai pas l'impression que c'est un homme qui a beaucoup d'empathie ou de Non, sensibilité pour l'être. non. Moi, je le vois comme quelqu'un de très cérébral dans sa tête, fasciné par les machines, la technologie, que ce soit SpaceX, l'intelligence artificielle, les transports automatisés. Fait que je le vois un petit peu dans une forme de repli autistique de la réalité émotionnelle humaine. Donc, je serais pas surpris de l'entendre dire un peu comme Yuval Noah Harari, qui considère l'être humain comme étant un algorithme biologique. Tu remarqueras hein, que tous ces gens-là, si tu pousses un peu leur idéologie, c'est très eugéniste. J'aime pas ça, moi. Tout être qui va vers une certaine forme d'eugénisme, là, qui est l'homme, c'est une entité biologique intelligente, là, puis il y a une certaine catégorisation de certains qui sont plus intelligents que d'autres, puis il y en a d'autres qui sont bons, puis d'autres qui sont mauvais. Quand tu embarques là-dedans, là, c'est que tu es désaligné bien raide. Tu comprends pas la valeur de l'individu. Ces gens-là sont dans une conception du monde qui est vraiment purement mécanique. Il n'y a pas de vie. Non, Ils c'est voient pas la ça. vie. Mais quand je regarde ça quand même par rapport au scénario qui se déroule aux États-Unis, certes, il y a des milliers, en fait, une grande quantité de fonctionnaires qui sont présentement mis à porte, mais simultanément, compte tenu des tarifs qui sont imposés, notamment par rapport à l'aluminium, l'acier, ben c'est comme si ces gens-là vont être redirigés pour faire de la production locale par rapport à l'aluminium puis l'acier. Fait que c'est comme tu enlèves des gens dans le réseau public. Tu le rediriges vers le privé, puis à ce moment-là, ils réduisent la taille de l'État, l'endettement. Puis ces gens-là aussi, ils ont des emplois qui sont bien payés dans le domaine de la production industrielle, bien, ils vont payer des impôts. Fait que là, les États-Unis vont s'enrichir, puis ils vont avoir moins de dettes. Je suis d'accord. J'espère que ça va se produire ainsi, mais on dirait que je suis pas certain parce que je ressens toujours que au niveau des gouvernements, c'est sûr que tout ce qu'on entend, c'est ce qui sort des médias. Moi, j'ai X, fait qu'il y a des gens qui voient ce qui se passe, puis ils traduisent l'information, puis on a des vidéos de ce qui se passe, mais on n'est pas relax, là. T'sais, l'être humain, présentement, il n'est pas relax, là. Il aime ça, des conflits, puis la tension, Ben, c'est puis. bon pour les codes d'écoute. Je discutais récemment avec quelqu'un en lui disant que j'ai plus besoin d'écouter de films d'action ou de téléromans. J'ai juste à ouvrir le bulletin de nouvelles. Récemment, on a vu Doug Ford, qui est le premier ministre de l'Ontario, qui a imposé des tarifs de 25 % sur l'électricité qui est exportée aux États-Unis. Suite à cette nouvelle, Donald Trump a répliqué en disant qu'elle allait mettre des tarifs de 50 % sur l'acier et l'aluminium. Puis là, Doug Ford a réagi, il a eu peur. Puis il a dit non, non, finalement, je ne mettrai pas là, des tarifs de 25 % là, sur les importations d'électricité aux États-Unis. C'est du théâtre. Ben, C'est c'est vraiment du ça. théâtre. Moi, sais-tu, j'ai eu une vision hier. Ça m'a dit, dans le fond, là, la planète, c'est Hollywood. Tu sais, on regarde le cinéma, puis on dit, OK, ça, c'est des acteurs, ils jouent des rôles dans des films. Je pense qu'il doit y avoir des humains sur Terre qui ont des niveaux de conscience vraiment là, à un niveau bas, qui pensent que le film, c'est peut-être réel aussi, je sais pas. Puis après ça, tu as comme une autre couche d'acteurs qui seraient des acteurs politiques. Puis après ça, tu as des acteurs médiatiques. Puis c'est comme toute une grosse symphonie, genre de pièces de théâtre. Parce que quand tu remontes dans l'histoire, c'est vraiment intéressant. Il faut que tu regardes l'histoire pour comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Mais tu remontes depuis la Première Guerre mondiale, c'est toutes des guerres qui ont été purement organisées pour être profitables pour certaines personnes. L'être humain, depuis l'ère moderne, je pense pas qu'il a volontairement voulu aller en guerre. Il a été amené à aller en guerre pour des raisons purement financières qui ont été déguisées à travers du patriotisme, là, puis de la liberté, puis toutes sortes de concepts qui font l'affaire émotionnellement aux gens qui sont soumis à ça. Puis de plus en plus qu'on évolue là-dedans, ben, je pense que de plus en plus on se réveille aussi parce que, tu sais, je me rappelle, moi, j'étais jeune en 2001 quand il y a eu les attaques du 11 septembre. Puis l'engouement vers aller en guerre était extrêmement fort, autant aux États-Unis, éventuellement au Canada. Les gens supportaient ça à côté, là. Ça, c'était bien correct. Go troops, puis il n'y a pas de problème. Puis on massacre des humains dans un pays qui a des armes de destruction massive, puis finalement, il n'avait pas, on s'est trompé. Ben oui, mais ça, c'était la série sur Sunday, là, ouais, je me rappellerai toujours quand Colin Powell, qui avait déclaré devant l'ONU qu'il y avait des preuves hors de tout doute que l'Irak avait des armes de destruction massive. Naturellement, c'était pas vrai, puis ils ont jamais trouvé d'armes de destruction massive en Irak. Tu sais, même l'idiot utile finit par se réveiller éventuellement. Tu sais, tu peux pas envoyer du monde se faire charcuter à guerre, des familles qui sont détruites, des civils qui sont tués, toutes sortes de terreurs humaines qui sont vraiment barbares pour aucune raison. Puis à un moment donné, le monde revient, ils sont là, ça servait à rien. Tu sais, comme mettons, je te donne un exemple. Dans les années 90, il y a eu comme un conflit en Somalie où les Américains ont intervenu, puisqu'il y avait comme une guerre civile. Je sais pas trop quoi. Dans le fond, les Américains ont fait comme d'habitude, se sont pas mêlés de leurs affaires. Puis sont allés là-bas, puis ont essayé de capturer un général, là, je sais pas trop qui, là, en tout cas. Puis ils ont été en conflit, là, puis ils ont fait quelques opérations, puis à un moment donné, ils sont restés dans l'opération qui était typique. Ils ont fait un film là-dessus, ça s'appelle Black Hawk Down. Puis dans cette opération-là, ils ont perdu deux hélicoptères qui valent des fortunes. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de soldats. Puis quelques jours après, ils sont partis de la Somalie, puis ont laissé faire tout ça, puis c'était fini. Là, toi, là, mettons, tu t'es battu là pendant 24 heures, tu as failli te laisser ta vie, ou t'es revenu blessé, ou t'as été amputé ou quelque chose, ou t'as perdu des chums de gars, là. Puis tu retournes chez vous pour te dire ça servait à rien, ça. Hey man. Ça travaille dans ta tête après, là. C'est genre. T'as peu, là. On a tué des centaines de personnes. On a des amis à nous autres qui sont morts. Des pères, des frères, des sœurs, n'importe quoi. Je sais pas s'il y avait autant de femmes dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Mais ça n'a pas de sens. Même les Canadiens, je connais des gars qui sont dans les forces canadiennes. Puis quand ils sont allés en Afghanistan, ils ont fait, ouais, on était là pour rien. Puis du monde qui sont allés en Irak, de plus en plus, ont réalisé que, tu sais, quand ils regardent la guerre, puis que les talibans, ils ont repris l'Afghanistan, puis que là, récemment, la Syrie, c'est dans un désordre aussi. Tu sais, c'est comme, on a-tu passé 21 ans, là, puis on est mort, plein de monde sont morts pour ça? OK. Fait Non, que là, non, ça donne mais moins envie après de faire, ouais, on recommence encore, là. non, ben, Ouais. à part si la personne est endoctrinée là, sur le plan idéologique puis nourrie de patriotisme, mais Il y en a de moins en moins, ça, ben, pour aller tuer du monde, là. en théorie, il y en a de moins en moins, moi, c'est sûr que je suis dans la perspective d'André Moreau que tout sacrifice est vain et à un moment donné, il faut sacrifier le sacrifice. Mais les gens, il y a une partie de la population qui sont imprégnés d'un héritage judéo-chrétien, où la notion de sacrifier pour le salut de l'humanité ou pour la grandeur du peuple est là. Et ça fait partie de la naïveté de plusieurs personnes qui sont imprégnées par une culture de masse qui va justifier, légitimiser, va rationaliser des souffrances ou des gens qui sont morts. Moi, je ressens, si j'y vais par vibration, j'ai l'impression que c'est de moins en moins possible, ça. J'espère que tu as raison, mais moi Non, j'avais. mais il y a certaines cultures, on nommera pas lesquelles, qui sont plus prompts à la guerre. Présentement, on le voit. D'autres, beaucoup moins. Puis, je pense pas que les Américains, ils ont un engouement de partir en guerre présentement. Je pense qu'eux autres sont brûlés, là. Écoute, Ben, en fait, l'armée, quand tu es rendu avec oui. une population qui est au-dessus de 50% qui souffre d'obésité, là, je sais pas, là, mais tu sais, je regarde l'état de l'armée, le monde sont fatigués. Tu sais, les jeunes font de l'anxiété, ils ont peur de sortir dehors. Quand les gens sont allés en Somalie pendant la guerre du Golfe, la guerre du Golfe avant, je pense, la Somalie après, puis l'autre guerre en Irak, Afghanistan, la moyenne du monde qui allait là, là, c'était 18 à 24. Il y avait d'autres qui avaient plus d'expérience, qui étaient plus vieux, à des rangs plus élevés, qui étaient évidemment plus vieux, comme je disais. Mais en général, c'est ce range d'âge-là. Là, ce range d'âge-là, aujourd'hui, ils ont subi la COVID, ils souffrent d'anxiété, Ils souffrent de dépression, ils prennent des médicaments pour se concentrer, ils ont de l'anxiété sociale. Je Ben, il y en pense a que. plusieurs qui ont des problématiques, puis ont du stress post-traumatique ou autre, mais oui, dans ces gens-là, ils ont probablement saturé. Par contre, c'est plus la cohorte des jeunes qui n'ont pas été brûlés ou saturés par rapport à l'expérientiel vécu de manière négativement en lien avec la guerre ou par rapport à des proches. Non, mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ces jeunes-là qu'on a dans la société Gen Z, là, c'est majoritairement à gauche, majoritairement pour le climat, majoritairement pour la paix, en quelque sorte. Ils sont pas tant. C'est pas ce monde-là qui va aller en guerre, là. En théorie, non. Mais moi, je me suis intéressé à la politique puis à l'histoire, comme à la base par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Le président des États-Unis, lors de la période de la guerre, à l'origine, il voulait pas, en théorie, y aller. Puis il était même élu parce qu'il s'opposait à ce que les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. Puis finalement, curieusement, il y a eu un concours de circonstances et d'événements qui ont rendu ça acceptable. Ils ont créé le consentement social, puis les Américains ont été massivement. Moi, ce que je te dis, c'est que tant que la personne n'a pas une conscience totalement individualisée et pas totalement centrique, elle peut être récupérée, par le système. Je suis d'accord, mais le système en ce moment, il est tellement faible. L'humain, il est tellement Oh, affecté. Je vois pas, je vois pas. Et moi, je me rappelle des soldats dans le temps de la guerre en Afghanistan puis en Irak. Ça n'a rien à voir avec ce que je vois comme présentement. C'est pas la même génération, c'est pas le Non, même c'est peuple. pas la même génération, mais moi, ce que je te dirais, ce que je te dis en fait, c'est que quand j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé lors de la période dite de pandémie, j'utilise obsessivement et abondamment cette expression dans mes enregistrements, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'on a tout le temps dit dans les médias de masse que s'est déroulée une pandémie pendant les années 2020, mais j'ai jamais eu d'informations qui m'amène à conclure qu'une pandémie par rapport à un taux de mortalité anormalement élevé qui justifierait l'ensemble des mesures répressives qui ont été mises en place. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette période-là, il y a des gens qui ont été soumis à un paquet de mesures liberticides, le couvre-feu à 20 heures, le port du masque, etc. Puis les mêmes personnes, quelques mois après, ils ont voté pour la réélection de François Legault qui a mis ces mesures-là en place au Québec. Fait que là, j'en viens à la conclusion que les gens, finalement, ils ont aimé ça. Oui, mais je pense on parlait pas. Le Québec, là, moi, je me préoccupe plus de ça parce que ça fait trop pitié présentement. Je vais regarder le Québec quand il va avoir un homme digne de gérer le Québec, là. T'sais, là, ça C'est fait ça, mais vraiment. en fait, le parallèle que je faisais en lien avec ton propos, c'est que les gens dans le collectif, ils ont subi comme une guerre psychologique pendant une période de temps, en lien avec des mesures liberticides et autres. Puis finalement, ben, ils vont réélire les gens qui mettent ça en place. Puis j'ai l'impression qu'il y aurait sans doute une partie de la population là, qui voudrait aller en guerre là, pour soutenir l'Ukraine, pour combattre les Russes, tu sais. Ah, je suis d'accord, ils vont tous vouloir aller en guerre en arrière de leur clavier d'ordinateur ou de leur téléphone. Quoi qu'aujourd'hui, avec les drones, ça devient de plus en plus possible parce qu'au front, tu vas envoyer de plus en plus des drones au lieu de soldats se faire tuer. Non, mais tu sais, présentement, si tu veux vraiment faire une guerre, tu fais juste abolir TikTok, puis je pense que tu vas tuer la moitié de la génération au complet. En tout cas, tu vas leur créer un choc. Ils vont manquer de dopamine dans le cerveau à cause des notifications qui les surstimulent. Ils vont être Ben, obligés de c'est ça. faire un sevrage à froid, un peu comme quelqu'un qui prend de la cocaïne. Écoute, moi, je côtoie des centaines de personnes, tu sais, je suis dans le public, puis je vois personne qui est qualifié pour tenir une arme à feu puis faire des manœuvres de descendre en bas d'un hélicoptère, courir dans la nuit, pas dormir pendant 4 jours, rien manger, avoir frais de pisser dans tes culottes. Je connais personne qui est capable de faire ça. Je sais même pas qui ferait une conscription. Ça serait juste de la chair à canon. T'sais. Il faudrait que tu entraînes. Faudrait vraiment qu'il y ait un revampement de la société pour vraiment inciter à une guerre. Faudrait qu'il y ait comme un retour en force de masculinité toxique, quasiment, genre de Ah oh là, on est des hommes, puis on va à la guerre, puis c'est bon d'aller à la guerre, puis tout. Puis là, on n'est pas là-dedans pendant tout. On est Non, non. là. Les hommes, ils veulent devenir des femmes. T'sais. On n'est pas là, là. Ben, il y en a plusieurs qui veulent être des hommes roses, là. Ben, ils sont déjà. Ouais, c'est ça. Déjà, les hommes roses, je préfère tabarnouche. Ça n'a plus de sens. Je vois ça autour de moi, ça me fait capoter. Puis moi, j'attribue ça beaucoup à l'utilisation de la pornographie puis l'hypersexualisation de la société. Parce qu'un Mais, homme qui est hypersexualisé, il oui. s'affaiblit. Tu sais, fait que c'est ce qu'on voit, là. On voit des hommes très affaiblis qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de force intérieure. Ils n'ont pas de contrôle sur leurs organes reproducteurs. Fait que là, ils dépensent des milliers de dollars sur de la pornographie, puis ils essayent d'écrire à des filles, puis ils essayent de dater des filles, puis ils s'achètent des affaires pour impressionner des filles, puis il n'y a rien qui fonctionne. T'sais, ça fait vraiment pitié. Puis ceux Ben, qui se pognent une fille, ils restent là-dedans, puis sont tous pognés, là, ils sont là. Oh, j'espère que ça va marcher. T'sais, c'est comme tabarnouche. c'est-à-dire qu'il y a des machos qui cherchent à impressionner les filles, mais il y a toutes sortes de personnes. En fait, l'homme rose, ce que je voulais dire, c'est que les hommes qui intègrent plus le volet féminin. Moi, je suis pas opposé à ce qu'un individu de sexe masculin à la base intègre la dimension yin chez lui, c'est-à-dire la dimension féminine associée au volet réceptivité en plus du principe actif. Je comprends, mais c'est parce que c'est pas une identité réelle. Tu sais, d'être dans ton équilibre entre une polarité masculine puis féminine, c'est au niveau de ta sensibilité, c'est pas au niveau de ton énergie vitale. Tu sais, à un homme qui t'es à côté de lui, là, puis t'as l'impression que c'est une petite fille, là, pas normal. Sais, ça se sent. Tu sais, t'es autour de d'autres hommes, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui roule pas rond, là. Ça, c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu as fait en tant qu'homme pour sentir que tu as vraiment une valeur puis une vocation dans la vie. C'est quoi toi tu fais? T'es ici pourquoi? Sais-tu où ce que tu vas? Sais-tu qu'est-ce que tu vaux? C'est ça qui manque. Mais Puis c'est normal c'est-à-dire, qu'on ait plus ouais. ça parce qu'on est focusé sur l'apparence puis la compétitivité dans la société au lieu d'être focusé sur la collaboration l'un avec l'autre. Mais c'est sûr que dans le fond, nos dirigeants n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une collaboration réelle entre les êtres humains Bien parce que évidemment. c'est divisé pour régner. Même chose pour les gens dans le domaine de la publicité ou dans le marketing ou de la vente parce que si les gens collaborent entre eux, ils n'auront pas besoin d'acheter autant de produits ou de services pour compenser les manques affectifs ou se rééquilibrer par rapport à des conflits vécus, dans le sens que si les gens sont remplis de problèmes anxieux puis ils consomment compulsivement sur Internet des vidéos ou peu importe, ben tout le système est comme voulu d'une certaine façon à ce que tous les gens soient divisés puis ils consomment au maximum. Ben oui, puis c'est bien correct. Moi, je m'en fous du système. De toute façon, comme je te disais tantôt, faut que l'être humain ait vécu une expérience transcendante pour être capable de voir au-delà du système puis de rentrer éventuellement dans son identité réelle. Fait que tant aussi longtemps que t'es pas rendu là, ben continue de courir dans ta roue d'hamster, tu sais. Mais moi, j'en vois plein qui courent dans la roue d'hamster, mais qui sont des bons êtres humains. Puis je suis capable de m'entendre avec n'importe qui. J'ai jamais de problème avec personne. Mais c'est sûr que moi, je cours pas dans cette roue-là. Parce que je pue plus. Je prends pas ça au sérieux. C'est que moi, j'aille de la richesse ou que je n'aille pas, je suis libre. Ça me dérange pas. Moi. Je m'arrange pour vivre une vie matérielle la plus équilibrée possible, la plus structurée. Mais en même temps, moi, je vois les gens autour de nous, puis j'ai l'impression qu'ils sont très insécures. C'est vraiment ça, fondamentalement, le problème, c'est l'insécurité. L'homme, il ne sait pas ce qui s'en va dans la vie. T'sais. Oh! Il y a toujours un doute. Là, t'sais. On est habité par le doute. Puis je pense que le doute, il est là à cause qu'on n'expérimente pas suffisamment. On n'essaye pas. T'sais. On pense, mais au lieu de penser, au lieu de, excuse-moi, au lieu d'agir, on pense. Oui, ben c'est sûr que si la personne est beaucoup dans la réflexion, elle ne pourra pas s'appuyer sur une expérience vécue dans la réalité concrète pour trancher par rapport à un sujet ou quelque chose, tu sais. Parce que c'est facile. Penser, c'est se cacher. Puis agir, c'est s'exposer. C'est devenir vulnérable. C'est créer une marque dans le monde. Où est-ce que tu peux être vu, tu peux être reconnu pour quelque chose. Puis ça peut avoir une bonne ou une mauvaise valeur. Puis toi, tu peux y attribuer une bonne ou une mauvaise valeur. Mais c'est là le blocage. Moi, je remarque surtout chez les jeunes. Les jeunes, ils me parlent. Puis moi, j'ai une idée, j'ai un projet de ça. Puis j'ai une idée de ça. Puis j'ai plein d'imagination. Puis je vais faire ça. Puis je vais faire ça. Puis là, tu regardes, ça fait un an, 2 ans. Puis ils sont encore à la même place, mais ils ont plein d'idées. Mais c'est ça, le champ de démarcation. C'est comme partir à travailler à ton compte. C'était peurant au début, mais à un moment donné, quand tu commences à vraiment savoir la valeur que tu as, puis qu'est-ce que tu peux apporter pour les autres, ben, tu commences à pouvoir bien gagner ta vie, puis vivre une vie qui est équilibrée, puis sentir que tu as une utilité, puis il y a quelque chose qui se fait. Mais je pense que tant et si longtemps que on n'a pas un purpose en tant qu'individu, ben on va compenser avec une société de consommation puis de divertissement. C'est facile à contrôler. Les gens n'ont même pas besoin d'être contrôlés, dans le fond, parce qu'ils sont déjà contrôlés par des pulsions. T'as pas besoin de faire de la publicité de Coca-Cola, les gens sont déjà addicts. Mais tu sais, comme je te disais tantôt, c'est une grosse pièce de théâtre. Tu sais, on dit, ah, il y a une élite qui contrôle ci, puis contrôle ça. L'homme, il est déjà contrôlé par des forces qui le dépassent. Fait que. Oui, ben, d'une certaine façon, que l'élite, c'est juste une manifestation visible à la pointe d'un iceberg de forces souterraines qui contrôlent l'être humain à son insu. Tu sais, c'est juste. En fait, c'est juste du monde qui sont arrivés avant nous autres, qui ont eu des opportunités avant nous autres. Puis que là, maintenant, leurs opportunités ont tellement grandi parce que la richesse s'est transférée de génération en génération. Puis ça a créé une forme d'élite financière. Mais la société est vraiment à l'image de l'homme. Tu sais, l'homme, il est polarisé, donc il est toujours entre la gauche puis la droite, ou le bon puis le mal. Puis ça, c'est bon, puis ça, c'est mauvais. C'est toujours ça. Il est là, le problème. Entre Il autres. ne fonctionne pas à partir de qu'est-ce qui est nécessaire. Il y a toujours une valeur qui est mise sur tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est une valeur. Ah, oh, ça, c'est bon. OK, ça, c'est pas bon. Ah, cette nourriture-là, c'est bon pour la santé. Celle-là est pas bonne pour la santé. C'est plein de petites prisons psychologiques qu'on s'invente, là, perpétuellement. Puis on dit, ah, ça, on est malade à cause de ça. Ça m'a rendu ci. Ça m'a rendu malade. Ça, c'est. Tu sais. Oui, mais il y a des limites à la causalité linéaire, là, dans le sens qu'une cause occasionne telle affaire, parce que ça peut être plusieurs facteurs en même temps qui interagissent. Mais en lien avec ce que tu dis, ce que je veux quand même mentionner, c'est qu'il y a quand même une hiérarchie vibratoire, dans le sens que de donner des valeurs par rapport à des choses, oui, on peut le faire psychologiquement en fonction d'une morale ou même d'une éthique, mais il y a comme une vibration derrière des individus, des événements ou des situations font en sorte que, par exemple, tel aliment a une valeur plus élevée si on le prend sur le plan nutritif, il y a quand même des faits objectifs qui sont mesurés là, par des nutritionnistes. Je suis tout à fait d'accord. Puis même, on peut le mesurer soi-même. Commence à manger du fast-food pendant une semaine, puis tu vas voir que ton état mental va changer profondément, là. Si tu es habitué de bien manger, par exemple. Mais c'est parce qu'il y a une nuance qui doit être faite entre, on va dire, on prend l'exemple de la nourriture, là. Moi, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Bien manger, puis manger ce que tu dois manger. Tu sais, il y a des moments dans la vie où ce que tu vas manger, quelque chose qui est supposément mauvais, mais au moment où ce que tu l'as mangé, c'est tellement aligné que ça passe parfaitement. Mais si tu essaies de manger la même chose à un autre moment où ce que c'est pas aligné, ça passe pas. Puis c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer au lieu de ce qu'on mange. Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris dans des prisons psychologiques, que ce soit le végétarisme. Le véganisme, le crudivorisme, là, ils dérogent pas de ça, puis ils en font une doctrine rigide. Alors qu'en réalité, ça se peut qu'à un moment donné, oui, c'est approprié de manger végétarien, mais ça se peut qu'à un autre moment donné, ça peut être de manger de la viande. Ben, le plus gros problème, je pense, c'est comme quand tu as des gens qui ont des talents génétiques ou des talents physiques ou mathématiques, puis là, ils partent quelque chose, puis là, ils sont là, hey, tout le monde peut devenir comme ça. Ouais, mais c'est pas parce que toi, végétarien, ça fonctionne parfaitement, ton corps y répond parfaitement. Puis là, ils vont dire, ah, si moi, ça fonctionne parfaitement, pour moi, c'est pour tout le monde. Ouais, il y a tendance à généraliser alors que c'est pas le cas. Mais ça, c'est fou, là. Je parle avec des gens qui ont, même dans la quarantaine, cinquantaine, qui sont là. Ouais, mais moi, je suis comme ça, mais. Ouais, mais tu prends pour acquis que les autres sont comme ça. Ben là, normalement, on devrait tous penser de même. Ah, oh, ouais. OK. Fait que tu vois que l'homme, il se projette encore beaucoup sur les autres, dans le sens que moi, je suis gentil, tout le monde devrait être gentil. OK. Pourquoi? Parce que la Tu sais. personne, elle va dire, ben moi, je suis une bonne personne. Les autres aussi, sont naturellement bons. Ouais, mais tu te bases sur quel référent pour dire que tu es une bonne Le personne? mythe du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Ben oui, c'est sérieux, là. OK. C'est-à-dire que lui, il va dire que c'est un philosophe. Ouais. Ça fait partie des références philosophiques que j'ai étudiées au fil des ans. Il a passé à l'histoire. Il a écrit un livre dans le fond, où ce que lui, son argumentaire est très simple, c'est que la société corrompt l'être humain, puis l'être humain à l'état de nature, là, c'est un être humain un peu, dans le fond, comme celui-là d'une bande dessinée là, qui a été élevé par des loups, là, je pense que c'est Mowgli, là. Dans le fond, l'enfant qui est élevé par des loups ou des animaux sauvages serait naturellement bon, puis c'est la société, par rapport à l'orgueil, l'avidité, le désir, qui va corrompre l'être humain, puis peut l'amener à exploiter les autres. On ne prend pas en considération le plan causal dans tout ça, dans le sens que la société est à l'image de l'individu. L'individu, il a eu à se battre avec le bien et le mal à l'intérieur de lui-même depuis la nuit des temps. Il y a des religions qui ont été construites là-dessus, des commandements, des ça c'est correct, ça c'est pas correct, fais ça, Dieu va t'aimer, fais ça, Dieu ne t'aimera pas. On fonctionne avec des concepts, c'est ça le problème. Oui. C'est pas une... Toutes ces formes-là qui ont été amenées par l'être humain à travers le temps, c'était pour pointer quelque chose qui est indescriptible. Mais cette chose-là qui est indescriptible, c'est pas dehors, c'est à l'intérieur de toi, c'est à même la conscience atomique de ta cellule. Fait que c'est un processus qui est hors de notre contrôle. Que quelqu'un soit à un certain niveau de conscience ou à un autre niveau de conscience, c'est complètement hors de son contrôle. Tu sais, il n'y a pas un être humain qui se lève le matin et qu'il s'arrange pour que ça aille mal. Tout le monde fonctionne à partir de son plein potentiel. Mais Donc, chacun fait le bien de sa perspective. je C'est ça comprends, l'affaire. C'est comme mais... Trump, il fait du bien de sa perspective, puis Doug Ford en voulant répliquer à Trump également. Ouais, mais intérieurement, quand ils font quelque chose, ils savent très bien si c'est bon ou c'est pas bon. Puis, ils peuvent faire du pas bon, puis du bon, peu importe, mais il y a un prix à payer. Éventuellement, toute forme d'exagération dans le contrôle ou dans la domination vient à se faire autodétruire. C'est comme le template des forces du mal. On va t'octroyer des pouvoirs, puis après ça, on va te détruire. Ou les pouvoirs vont te détruire toi-même. T'sais. C'est vraiment, on l'a vu à travers l'histoire, ça a toujours été comme ça. Donc, si c'est équilibré, ça va fleurir. Si c'est pas équilibré, ça va amener à destruction massive ou un Exactement. déséquilibre Puis on va massif. voir dans les prochains mois si l'économie américaine va fleurir avec toutes les chambardements qu'est en train de Donald Trump avec la mise d'un paquet de tarifs dans son rapport avec d'autres pays. Tu sais, moi, je me dis toujours, l'humain, il a tellement besoin de plus de confort que moi, par exemple, qu'il va toujours s'arranger pour que la société reste confortable. Parce que même les ultra-riches, là, ils aiment ça être sur Instagram, là, puis montrer leur gros char, puis leur yacht. Ils sont pas intéressés. Il n'y a personne qui est intéressé à ce que la société, ça devienne l'apocalypse, là, puis Mais ça Mad dépend Max. dans des endroits localisés, comme par exemple l'exemple que je te donnais tantôt avec l'Irak. Tu vends les armes pour détruire l'Irak, puis ensuite tu donnes les contrats des compagnies américaines de reconstruction. Dans les deux cas, tu fais de l'argent à la fois pour détruire puis reconstruire, puis ça, c'est aux frais soit des contribuables américains ou des Irakiens qui vont être endettés en lien avec ça. Ouais, mais moi, pourquoi tu penses à la guerre? Je pense pas qu'on va retourner là-dedans, là. Ben, en fait, on verra bien qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr qu'en tant que tel, pour ce qui est de la situation avec l'Ukraine qui défraie la manchette présentement, j'ai l'impression que sincèrement, oui, Trump, il veut mettre en place un processus de résolution de paix, mais bien entendu que ce soit à son avantage, puis qu'il y ait l'opportunité qu'il y ait une entente qui va lui permettre de s'approprier par rapport aux terres rares et à des métaux précieux en Ukraine. C'est ça. C'est toujours de la richesse. Puis la destruction d'infrastructures est purement stratégique maintenant sur la planète. J'ai remarqué que toutes les destructions qu'il y a eu d'infrastructures récemment, ça a toujours été pour des buts de reconstruction à profit. Fait que les zones qui vont être touchées, tu sais, ils vont pas aller à. Les Russes, tu penses-tu? Tu sais, quand ils parlent, ah, les Russes vont aller en Pologne, puis après ça, ils vont rentrer à Paris, et puis là, tu sais, de quoi tu parles, man? Bien, c'est parce qu'il y en a qui revivent le scénario, en fait, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, en faisant une projection que les Russes vont se comporter un peu comme les Allemands, qui avaient envahi la Pologne et également la France. Ouais, mais c'est à croire que ces politiciens-là, ils s'informent dans leurs propres médias ou quoi, là? Ben, en fait, il y a la chambre d'écho qu'on appelle sur le plan médiatique, c'est-à-dire tu parles avec des gens qui pensent la même chose que toi, qui te reflètent ce que tu penses, puis là, ça te confirme. Fait que tu as comme un biais de confirmation, puis les gens répètent ce que tu dis, fait que la personne dit, ben, ça doit être ça, et vu qu'ils disent ça, eux autres aussi. Mais comme je te dis, moi je considère que c'est un film de Hollywood parce que la Russie, je vois pas comment la Russie serait intéressée d'envahir l'Europe. Pourquoi la Russie envahirait l'Europe? Il y a pas de raison. Ça fait pas de sens. Ils n'ont pas de ressources Ben, pour faire attends une minute. ça. Il y a quand même, si je me permets de faire l'avocat du diable, je pense pas nécessairement qu'ils vont envahir toute l'Europe, mais il y a quand même des lieux stratégiques, dont notamment par rapport à l'Ukraine, par rapport à des terres rares. Puis en même temps, ben, il y a une partie des Russes qui veulent retrouver la grandeur de l'ancienne URSS, c'est-à-dire que l'URSS englobait à l'origine l'Ukraine, puis d'autres pays. Fait que là, il y a des gens qui ont peut-être une forme de nostalgie par rapport au passé grandiose de la Russie qui, à travers l'URSS, donc un regroupement d'États communistes, avait sur sa mainmise là, par rapport à des ressources puis à plusieurs pays européens avant qu'ils deviennent indépendants. Ouais, mais moi, honnêtement, je suis tanné de la schizophrénie humaine, là, de défendre des frontières, puis d'essayer de contrôler des territoires quand que on est tous à la même crise de boule là, qui se promène dans l'espace. Je suis obligé de te dire, là, tu sais, j'aime ça parler de politique avec toi, c'est le fun, puis tout ça, j'en parle aussi avec mes parents, là. Mais au niveau de ce que je suis rendu dans ma perception des choses, pour moi, c'est vraiment comme la maternelle. J'ai l'impression de voir des enfants à la maternelle qui se chicanent. Je comprends pas, là. Moi, chez nous, j'ai une vie tranquille, tout va bien, puis tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes autour de moi. C'est des problèmes, puis des problèmes avec ci, puis des problèmes avec ça. Puis les gouvernements ont un problème avec un autre gouvernement. Puis lui, le gars du gouvernement de gauche, il a un problème avec le gouvernement de droite. Puis tout le monde a des problèmes. Moi, je ne fonctionne plus avec des problèmes. Non, mais Moi, j'ai juste des. je comprends. En fait, je suis pas de. Ouais, Je sais que toi non plus, c'est probablement, ça. Je mais. cherche pas les problèmes. Je cherche pas le trouble. Puis moi, je trouve que c'est des enfantillages. Par contre, je trouve ça intéressant d'étudier ça parce que ça a un impact sur notre vie concrètement dans le quotidien. C'est parce qu'il fallait que je termine là-dessus. Je suis obligé de te dire que c'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a comme une partie de moi à l'intérieur de moi qui rit. Je regarde ça et ça me fait rire parce que c'est tellement dépourvu d'intelligence. Non, non, mais c'est ça. Mais moi, je vois ça comme une pièce de théâtre, là. Tu sais, Ah Trump, ben. il va dire, ben, moi, je vais en mettre 50% si toi t'en mets 25%. Puis là, il y a une escalade. C'est comme, mon père est plus fort que le tien, tu sais. C'est des complexes d'infériorité. Mais moi, je crois pas que c'est des complexes d'infériorité. Comme je t'ai dit, je pense que c'est juste du cinéma. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un mélange des deux, dans le sens que il y en a qui peuvent camoufler un complexe d'infériorité par une forme de narcissisme, puis une volonté expansionniste. Tu sais, Trump veut faire du Canada 51e État qu'il va annexer, ensuite le Groenland aussi, prendre le contrôle du canal de Panama. Fait qu'il veut prendre de l'ampleur, tu sais. Il y a une dimension mégalomane chez lui, mais peut-être qu'en réalité, il sent pas trop grand dans ses shorts, bien qu'il expose une vision de grandeur pour l'Amérique. Ben, moi, je suis obligé de te dire objectivement que ça semble être un personnage qui est plus robuste que la moyenne. Ben, il y a un ego très fort, Trump. Ça, il faut le donner, là. Je veux dire, c'est Non, un. mais il y a un calme quand même à prendre. Écoutez, t'sais, mettez-vous n'importe qui dans ces shorts-là de te faire haïr par la planète entière pendant multiples années à répétition. On parle de toi tous les jours négativement. Puis t'es quand même capable de garder un certain sang-froid puis de faire ce que t'as à faire. Puis tu tiens ta parole en plus, contrairement à tous les autres politiciens qui sont rentrés au pouvoir qui n'ont jamais tenu leur parole. Lui, il a tenu sa parole, pour le moment, au moins. Juste ça, pour moi, ça signifie un certain niveau de force. Après ça, est-ce que c'est bon, c'est-tu mauvais? Je te l'ai dit la dernière fois, je sais pas. Mais je dois te Ben, en laisser fait, là-dessus. oui, c'est ça exactement. En fait, ce que je dois dire, parce que je peux porter un regard critique par rapport à Trump, mais en tant que tel, moi, je vois pas Trump comme étant un ange ou un démon, mais plutôt comme un individu à étudier. Mais je dois quand même reconnaître qu'il y a une grande force de volonté, là. D'accord. Bon, ben on peut s'entendre là-dessus. Donc, on va clore à présent l'enregistrement. Et pour les gens qui ont aimé, apprécié là, la capsule d'aujourd'hui, sachez que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une liste de lecture avec d'autres enregistrements que j'ai fait avec Olivier au fil des ans. Et sinon, ben, nous autres, on garde contact et puis on va se dire à bientôt. Certainement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye.